on partait pour une soirée armée de guitare et de djembé. Et de djembé. Ça mène savoir où se poser. C'est la folie qui nous guidait. Qui nous guidait. Dans une forêt ou sur un pré. N'est pas le mauvais temps qui nous gênait. Qui nous gênait. Personne commandait. Tout ça égalitaire. Passer la nuit à boire et à festoyer sans se douter. Qu'un jour viendrait, chacun partirait sans se retourner. Pour s'éclater, vivre en bande était le remède miracle. Pas d'idée de slogan sur une pancarte. Le sable autour d'un feu, la musique pénètre l'âme des gens heureux. Des gens heureux. Certains suivaient le rythme au pas de danse. D'autres chantaient, c'est le cri de la délivrance. La délivrance. Il n'y avait pas d'heure pour entrer. Seuls les rayons du soleil savaient nous décider. Nous décider. Personne commandait. Tout ça égalitaire. Passer la nuit à boire et à festoyer sans se douter. Chacun partirait sans se retourner. Pour s'éclater, vivre en bande était le remède miracle. Pas d'idée.